Premier temps d'une série d'émissions consacrée aux saisons de la mode, à la question de nos vêtements ce matin avec notre invité Odile Blanc. Demain, nous nous intéresserons à la naissance du vêtement de ski, mercredi à la question de la saisonnalité de la mode et jeudi, eh bien, le documentaire d'Anaïs Quin et de Marie-Laure Ciboulet traitera de la question de la fourrure. Et aujourd'hui, eh bien, nous avons le grand plaisir de recevoir une historienne qui, depuis des années maintenant, s'intéresse de façon très originale dans la foulée lointaine du système de la mode de Roland Barthes à la façon dont nous vivons avec, dans ou sans nos vêtements. Odile Blanc est auteure de Parades et Parures chez Gallimard et de Vivre habillé qu'on retrouve chez Cleansic et on la retrouve également dans le dernier numéro de la revue Mode Pratique. Une robe couleur du temps, c'est une condition? Un caprice plutôt. Et vous m'épouserez? Oui mon père. Diable! Mais quel temps, beau temps, mauvais temps? Le beau temps mon père. Une robe couleur du temps, mais quel temps? Mais beau temps, évidemment. Et il me la faut pour demain. Nous n'aurons jamais le temps. Couleur du temps, c'est embêtant. Pourquoi, en effet, ne pas ouvrir cette émission et cette semaine avec un hommage, un clin d'œil à Michel Legrand, récemment disparu, et également à Jacques Demy avec ce pot d'âne. Bonjour Odile Blanc. Bonjour. Tout compte fait, ce pot d'âne nous dit beaucoup de choses. C'est un instrument pour l'historienne de la mode que vous êtes et du vêtement. Polysémique, on peut y voir plein de choses dans ce pot d'âne, non seulement dans les robes couleur du temps, couleur de la lune et couleur du soleil qui sont concoctées pour Catherine Deneuve, mais également dans cette peau d'âne qu'elle est obligée de revêtir à un moment de cette histoire. Et oui, absolument, on a ces trois robes qui vont crescendo dans la surenchère ornementale, ou plutôt d'éclat, qui était assez propre à des vêtements d'ancien régime, ou... des vêtements de fête et aussi effectivement je crois que le premier la robe enfin la puante et mauvaise robe c'est effectivement cette dépouille de l'âne animal mort dans laquelle elle est obligée de se cacher pour fuir le désir incestueux de son père. Donc toute l'histoire au fond tourne autour de ça et c'est aussi un motif qu'on trouve souvent dans d'anciens contes, la femme qui doit se déguiser pour échapper à la concupiscence. Et d'autant que sous cette peau d'âne, elle est en chemise, et être en chemise, expliquez-vous, c'est être quasiment nu. Être en chemise, oui, c'est être nu dans un système qui combine toute une différente strate de couches vestimentaires. C'est les condamnés à mort sont conduits au gibet en chemise. Ça désigne aussi un dénuement matériel et moral également. Donc c'est un signe de pauvreté de façon générale et la nudité, c'est ça. Alors, ce qui est extrêmement intéressant dans ce conte, mais dans beaucoup de contes, c'est que ils ont été forgés, on ne sait pas trop quand, mais en tout cas, on en a les traces écrites à partir du Moyen-Âge ou au début de l'époque moderne, qui est votre période de référence au départ. Vous avez fait une thèse d'histoire qui s'appelle Parades et Parures, parue chez Gallimard, sur la toute fin du Moyen-Âge et sur le moment où vous avez tenté de comprendre comment s'inventer un vêtement, un type de vêtement aux alentours du 14e et du 15e siècle. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là qui soit différent de ce qui s'est passé auparavant, Odile Blanc? Il se passe un changement qui me semble assez durable, mais dans le vêtement masculin plutôt, qui se passe autour un peu avant, autour de du milieu du XIVe siècle, où où le modèle des élégances masculines va être un vêtement qu'on appelle disons un pourpoint, un vêtement court, très ajusté. Et qui est à l'origine un vêtement militaire, un vêtement qui est porté dans un contexte militaire. Donc c'est un vêtement qui va aussi amener un travail de coupe qui était jusqu'alors peu important. Hein. Les vêtements avaient en gros la forme d'un T. Donc là, on a un ajustement du vêtement au corps qui est très marqué et un rembourrage de la poitrine. Un bombement du torse. En fait, ça se portait autour de 1400 sur une cuirasse. Et cette silhouette masculine, donc avec un buste très important, très mis en valeur et des jambes très fines, se retrouve peu ou prou jusqu'au 19e siècle. Avec ce vêtement court, donc qui s'arrête en bas du torse, qui est accompagné de chausses qui sont lacées avec des petits rubans de couleur souvent, et puis de la braguette effectivement, qui était quelque chose de particulier, qui ne correspond en rien à notre braguette masculine ou féminine d'aujourd'hui, mais quelque chose qui met en avant les attributs sexuels du guerrier, en l'occurrence, parce que c'est souvent le guerrier qui la porte. Et ça, vous considérez que c'est un moment très important, effectivement, ce dénudement des jambes, cette capacité justement de faire monter les choses jusqu'au torse, et l'invention de cette braguette. Tout à fait. Alors la braguette, c'est quand même une période un peu plus restreinte, disons fin 15e, début 16e siècle, qu'on retrouve dans des portraits, effectivement. C'est une allure, ce qui est valorisé, c'est le côté, l'allure martiale, guerrière. Et pour moi, ça veut dire que cette mode, hein, même si le mot apparaît un peu plus tard, c'est vraiment une invention masculine, avant tout. Et il y a des travaux qui ont été faits, en particulier par Jean-Claude Schmitt, dans son invention de l'anniversaire, sur certains des personnages que l'on peut retrouver comme ça dans ces livres des habits, ces livres d'habits, où on voit un personnage qui fête son anniversaire tous les ans avec un nouvel habit, et on le voit justement dans cette tenue que vous venez de décrire, changeant d'habit chaque année, comme d'une certaine façon, marquant le rythme des saisons, plus que des saisons, le rythme de ses propres anniversaires, naissant en cela, faisant naître la question de l'anniversaire qui n'existait pas, dit Jean-Claude Schmitt auparavant, puisqu'on était du saint dont on portait le nom, et c'était la fête du saint qui comptait. Et à partir de ce moment-là, il y a autre chose, c'est la date de naissance, et c'est marqué dans un livre comme celui-ci par un changement d'habit, en l'occurrence Odile Blanc. C'est important, ça. Oui, je pense aussi, c'est peut-être ça à quoi vous faites allusion, à ce document incroyable qui est le livre de Matthäus Schwarz, ce banquier donc des Fougères à l'orée du XVIe siècle, qui s'est fait représenter dans différents vêtements, qu'il a annoté tel jour, c'était à telle fête, je portais ça. Et c'est vraiment un document extraordinaire. Il y a peut-être d'autres choses, un peu de ce genre, dans les régions plutôt germaniques, qui sont liées aussi parfois avec les danses macabres, où on voit tous les états de la société représentés dans leur habit, mais qui vont mourir, qu'ils soient pape, prince ou artisan. Et en l'occurrence, ces régions sont reconnaissables à leur costume, qui n'est pas très éloigné de la coutume, et qui permet théoriquement, dans une Europe bien plus brassée qu'on peut l'imaginer encore aujourd'hui, quand on a cette idée d'une Europe du XVe ou du XVIe siècle, de reconnaître d'où vient celui qui arrive à Lyon, dans une grande ville de foire, que ce soit les foires de Champagne ou ailleurs, que ce soit du côté des Pays-Bas ou ailleurs. On reconnaît celui qui vient parce qu'il a un costume particulier, et les deux mots costume et coutume sont liés. Oui, tout à fait. C'est costume, le mot d'origine italienne. Mais c'est vrai que l'époque à laquelle je m'étais intéressée, donc fin 14e, début 15e siècle, ce pourpoint, c'est vraiment un vêtement qui va être répandu dans diverses régions de l'Europe, sans doute liées avec l'extension du conflit franco-anglais, la guerre de Cent Ans. Mais c'est vrai qu'au cours du XVe siècle, on voit en effet se développer le vêtement des nations, donc au sens de du pays, hein, au sens de le pays, c'est l'endroit d'où l'on vient, donc ça peut être une ville. Et c'est, par exemple, dans le courant de la deuxième moitié du XVIe siècle, on voit se développer ces livres d'habits dans les grands centres d'imprimerie, hein, à Augsbourg, Lyon, Paris, etc., qui décrivent, d'abord, il faut dire qu'ils décrivent, ils annoncent décrire les nations du monde, et en réalité c'est beaucoup plus précis pour la ville même de laquelle ils sont originaires, et voilà, ce sont des costumes qui sont ensuite reproduits, je pense notamment à le costume de Vecellio, qui paraît en 1590, et encore reproduit par Didot en France jusqu'à la fin du XIXe siècle, sans que les planches changent. Donc c'est une vision un peu inventée qui ne prend pas vraiment en compte la description, par exemple, des Amériques, lorsque on sait comment étaient les gens. On a des descriptions, c'est pas tellement pris en compte dans ce genre d'ouvrage. Alors, il y a une nation qui se distingue des autres, expliquez-vous, Odile Blanc, c'est la France, parce que la France est considérée, à ce moment-là, en tous les cas, c'est ainsi qu'on la présente, ça n'est pas forcément vrai, comme une nation dans laquelle on change souvent de vêtements, on change souvent de coupe, la mode, entre guillemets, est-ce que ça s'appelle la mode à ce moment-là? Sûrement pas, mais la mode s'impose pour ne pas reproduire à l'infini les mêmes coutumes et les mêmes costumes. En tout cas, c'est comme ça que Terstein le présente. Oui, c'est vrai. C'est un motif dont, en fait, je connais pas trop l'origine, qui dit bon, voilà, on a essayé de représenter chaque nation avec son vêtement, mais le français, finalement, on a renoncé. On l'a représenté nu, avec une pièce de drap dans un bras et des ciseaux dans l'autre, parce que c'est impossible de suivre tous ces changements. Bon, ça, c'est un peu une veine ironique, tout à fait, qui correspond pas, je pense, vraiment à la réalité. Mais si on peut parler de... Effectivement, le terme mode rentre dans le dictionnaire au XVIe siècle, mais comme vous le savez, les choses sont là avant que les usages linguistiques les entérinent. Et donc, moi, je reste vraiment persuadée que cet engouement pour ce vêtement court, et puis après pour de nouveaux vêtements longs, annonce déjà, et qui s'observe dans différents pays européens, annonce déjà ce que va être la mode au sens, disons, actuel du terme. Et puis, il y a tout de même quelque chose de tout à fait remarquable, c'est que, vous l'avez mentionné brièvement, il y a la découverte des nouveaux mondes, et que cette découverte des nouveaux mondes va obliger les Européens à se penser comme des êtres habillés par rapport à d'autres qui le sont moins ou qui seront représentés comme tels, et que ça, c'est extrêmement important dans le bouleversement de la classification qu'ils pouvaient se faire. Qu'est-ce qu'être nu? Qu'est-ce qu'être peu habillé? Qu'est-ce que avoir juste un pagne sur soi alors que soi-même on porte le pourpoint ou d'autres habits beaucoup plus taillés? Tout cela sont des questions qui vont surgir de cette découverte des populations de l'autre côté de l'Atlantique, mais aussi dans d'autres populations comme en Afrique, par exemple. Oui, tout à fait. Là, on touche les Européens, par exemple, découvrant le Brésil. Ils décrivent des peuples nus et anthropophages, en plus, qui n'arrangent pas les choses. Bon, finalement, bien avant, hein, Marco Polo, avec tous ses voyages en Asie, voit aussi il est dans l'opposition entre le sauvage et le civilisé, hein, finalement, c'est ça. Mais tout ce qui est ces ports différents, parce qu'au fond, est-ce que ce ne sont pas des vêtements? On peut considérer que les tatouages ou les ornements en plumes en sont. C'était d'ailleurs la position de Jacques Laurent dans son très beau livre Le nu vêtu et dévêtu, mais du coup, on est là dans cette opposition entre nu vêtu, et qui recouvre l'autre la plus grande, sauvage et civilisé. Voilà, les usages non courants, c'était hors de la civilisation. Parce qu'il faut tout de même dire que un millénaire de christianisme ont beaucoup forgé des visions particulières du vêtement et des vêtus donc jusqu'au XVe siècle, et qu'on peut trouver par exemple dans les 12 périls d'enfer au XVe siècle ce texte: le vêtement dissimule les secrets membres de l'homme et de la femme que nature n'ose montrer ni découvrir, après ce que la sensualité se commença à rebeller contre les lois de la raison et de l'honnêteté. Donc on voit bien qu'il y a là une dimension biblique, une dimension de lecture de la Bible qui oriente, pourrait-on dire, en dit le blanc, celui qui se pense vêtu contre celui qui se pense dévêtu. D'ailleurs, vous le mentionnez dans votre travail « Vivre habillé », lorsqu'on va aux enfers, on est dévêtu. Lorsqu'on va au paradis, on est vêtu d'une simple chemise, donc presque dévêtu, mais on est tout de même vêtu. Oui, c'est toute l'ambivalence aussi, la grande ambivalence du vêtement pour la société chrétienne médiévale. C'est-à-dire, c'est à la fois ce qui cache effectivement le péché originel, mais c'est ce qu'il rappelle aussi. Sans arrêt, on a ça sous les yeux, finalement. Oui, et on peut dire effectivement que le vêtement, c'est à la fois un rappel de la faute, donc de ce qui s'est passé entre Adam et Ève, après avoir fauté, et comme marque indélébile et infamante de la condition humaine, mais que c'est aussi nécessaire, et que c'est aussi être bien vêtu, ça fait partie aussi de la condition chrétienne. C'est devenu nécessaire, effectivement, pour une sorte de réparation, au fond, tout en gardant sous les yeux cette faute originelle. Mais c'est ce qui va conduire, au fond, à être... Alors, il faut être vêtu pour dissimuler cette différence sexuelle, mais il ne faut pas l'être trop. Alors, on est sans arrêt à la recherche d'un fantasme de mesure, d'où les condamnations récurrentes chez les moralistes et prédicateurs de l'époque, des nouveaux habits, des ornements, des matériaux trop riches, trop ornés, etc. Que cache-t-on sous ces vêtements? C'est la question que posait le groupe Joyeux Urbain dans Costard Cravache. En me promenant dans Paris, petit poète que je suis, il m'est arrivé plusieurs fois d'imaginer ce que les gens portent en dessous de leurs vêtements, dessous de cuir, dessous de soie. Nos vêtements sont des avatars qui cachent nos slips léopards, les portes-jartelles de nos pensées. Ce sont des masques synthétiques dissimulant sous l'acrylique notre vraie personnalité. L'agent de police, le vendeur, le cafetier, le balayeur, ou bien le simple coup d'âme. Combien de ces gens se déguisent, dissimulant sous leur chemise la lingerie fine de leur femme? Combien de ces gens dissimulent des caleçons à poids ridicules à l'image de leur faiblesse? Combien de ces gens, au contraire, se sentent plus forts et plus fiers dans leurs slips en élastique aux fesses? Les banquiers, les pères de famille peuvent porter des parésilles sous un pantalon luxueux. Le curé derrière son missel peut jouir de la maigre ficelle qui lui sépare les fesses en deux. Les hommes aux idées pas très claires, les racistes, les fous de guerre seraient peut-être moins cruels si au-dessous de leur capote ils portaient tous une culotte toute bordée de dentelle. Comment résister au plaisir de porter des dessous de cuir sans que personne ne le sache? Faire comme si de rien n'était, le garder comme son petit secret sous un beau costard cravache. Costard Cravache, des Joyeux Urbains, dans notre émission d'aujourd'hui avec vous, Odile Blanc, vous êtes historienne du vêtement et vous rappelez toujours que l'enjeu du vêtement, c'est le corps. Oui, tout à fait, ça c'est absolument, parce qu'on l'a, c'est la chose qui est la plus proche de nous, dont on ne se débarrasse jamais, du moins, dans nos sociétés habillées. Et c'est aussi quelque chose qui, finalement, si on prend le vêtement d'une façon très générale, donc y compris les ornements, les accessoires, comme on dirait. C'est finalement c'est un refus du simple donné corporel. C'est une transformation. Il y a des périodes où c'est plus assumé, plus extérieur. On transforme avec le corset, on transforme avec le pourpoint. Il y a des périodes où c'est plus intérieur. On se transforme en faisant des régimes, en allant au sport, etc. Ah ben ça c'est beaucoup plus récent. Oui, sans doute depuis. C'est vrai qu'avant sous l'ancien régime, le corset, le corps d'ailleurs, ça c'était son nom. Ça s'appelait le corps au début. Ça s'appelait le corps. Donc c'est ce qui soutient et maintient le corps naturel. Donc c'était aussi destiné aux natures un peu chancelantes, aux enfants et aux femmes qu'on considérait aussi comme des êtres faibles. Et puis avec la figure, l'importance du guerrier, finalement le pourpoint, c'est une forme de le corset au 19e siècle que pouvait porter Barbé d'Aurevilly ou d'autres dandy et des militaires, c'est un peu l'avatar du pourpoint. Et puis ça forme une vision que l'on a tous en tête, la femme en sablier par exemple, c'est le corset, l'homme est plus carré du haut et puis ensuite se rétrécit ensuite, alors que la femme elle est faible du haut, elle est moins large du haut, mais elle va s'élargir après la taille. Oui, elle va être très entravée par ces énormes bas de robe plutôt, jusqu'à la crinoline. Oui, tout à fait. C'est la forme en sablier. La femme, une sorte de, ça n'est qu'un buste finalement posé sur une sorte d'énorme meringue ou voilà. Et donc, effectivement, ces constructions concernent la plupart du temps les classes privilégiées. Oui, bien sûr. Mais vous vous intéressez tout de même aussi à d'autres façons de s'habiller. Dans le dernier numéro de la revue Mode Pratique, vous vous arrêtez sur l'enluminure du mois de février. Des très riches heures du duc de Berry, donc on est au milieu du 15e siècle. C'est un moment important, expliquez-vous, parce que vous la comparez à d'autres des enluminures de ces très riches heures du duc de Berry. Et là, pour une fois, on y représente des paysans et des paysannes. C'est l'hiver, c'est le mois de février, notre mois dans lequel nous sommes. Et ce mois-là présente une femme et des hommes autour de l'âtre en train de soulever leur braie ou leur jupon pour la femme. Qu'est-ce que ça représente pour vous, Odile Blanc ? Faut dire quand même, c'est intéressant de voir les représentations un peu des classes sociales, mais qui sont, ce sont des paysans en effet, mais tels que les princes pouvaient les voir, puisque c'est donc un manuscrit qui a été fait pour le duc de Berry, qui est tout à la gloire de ce prince, c'est-à-dire il y a tout le calendrier, on a des paysages avec chacune de ces miniatures des châteaux qui lui appartenaient, dans lesquels il était représenté. Donc on a vraiment dans ces manuscrits à peinture qui sont faits par et pour les princes la glorification de leur possession terrestre, de leur goût aussi, on peut peut-être dire. Et alors c'est vrai, celle de février, c'est la seule image où n'apparaissent pas les princes, il n'y a pas de château non plus, donc on voit des paysans, mais enfin ça a l'air d'être une ferme quand même un peu aisée. Oui, il y a beaucoup de moutons. Voilà, il y a des moutons, des ruches, etc. Tout est bien rangé. Ces gens se chauffent devant l'âtre. Et puis à l'extérieur, dans mon souvenir, on voit aussi des paysans luttant contre le froid et qui vont jambes nues. En chemise, en des vêtements peu habillés justement pour la saison, mais ça c'est un peu la manière usuelle dans laquelle on représente les gens, les paysans, les gens mécaniques, comme on disait, donc ceux qui sont amenés à exercer une activité. Et c'est vraiment la grande différence, autant le corps, actif, non noble, et soumis aux aléas des saisons. Et c'est un corps qui est toujours un peu histrionesque, parce qu'il est en mouvement, parce qu'il est en activité. Au contraire, les nobles, c'est un corps glorieux. Hiératique, figé. Très figé. Avec toute une superposition de vêtements, et qui paraît, dans ce calendrier en particulier, insensible aux saisons. On porte des fourrures et des soieries au printemps aussi bien. Et donc, cette gravure de cette enluminure de février des très régisseurs du duc de Berry montre aussi des hommes qui sont jambes ouvertes devant l'âtre. On devine leurs attributs masculins. Oui. Et ce qui est très différent, effectivement, de la vision que l'on a des nobles à cette époque-là. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté la vulgarité d'une sorte de nudité, de l'autre côté, effectivement, des couches de vêtements, des fourrures, comme vous le marquez, des habits à parures, avec de très beaux, très belles soirées en particulier. Et tout cela nous rapproche, effectivement, de ce qui sera un peu plus tard le livre du courtisan de Balthazar Castiglione, c'est-à-dire qu'on a une attitude quand on est d'une certaine classe sociale, on a une attitude qui transparaît par l'intermédiaire des vêtements que l'on porte. Oui, tout à fait. Alors, pour ces paysans, vulgarité, disons que on voit bien qu'ils sont. Ils sont la proie du froid. Ils sont dans le dénuement. Voilà, ils sont dans le dénuement, ce qu'on disait tout à l'heure, cette nudité qui est un dénuement à la fois matériel, peut-être moral. C'est un peu une figure pour le noble histrionesque, effectivement. Ouais. Et le noble, lui, est totalement différent. Lui, il se tient, il change d'habit très régulièrement. Vous mentionnez René d'Anjou, par exemple, qui se sert même de ses vêtements pour pouvoir rendre l'état de son âme. Oui, c'est vrai. Alors, c'est un prince qui avait beaucoup utilisé des attributs comme le armorier, c'est le développement sans doute des armoiries dans cette fin du Moyen-Âge, qui sont aussi une forme de langage qui peut être poétique. Par exemple, il avait choisi comme devise, une de ses devises préférées, c'était le cygne. Il y avait l'encolie aussi, mélancolie, pour décrire un peu ses états d'âme. Et puis. Et donc on savait ce qu'il pensait. Par la présence, sa simple présence à un tournoi ou à une soirée, suffisait à dire quel était l'état de son âme. Pouvait le faire, en effet. Mais il faut voir le prince aussi. Alors dans cette fin du Moyen-Âge, on a beaucoup de chroniques et qui décrivent notamment beaucoup les événements de la vie de cour, parmi lesquels les tournois de chevalerie, qui sont à la fin de l'époque René d'Anjou, plutôt des parades qui sont plus véritablement des entraînements à la guerre véritable, comme c'était le cas auparavant. Le prince n'est pas isolé, il est au milieu d'un entourage, mais qui pouvait être important. Ça pouvait être 50 chevaliers de la maison qui vont être habillés. Alors, il y a tout un jeu avec le cavalier et sa monture et l'entourage qui sera un peu moins éclatant que le prince. Mais voilà, c'est vraiment des ensembles chromatiques et textiles. Et si on veut avoir une idée de cela, on peut aller voir le très beau livre paru il y a maintenant un peu plus d'un an, signé par Michel Pastoureau et par Jean-Charles de Castelbazac, sur le grand armorial équestre de la Toison d'Or, donc au milieu du 15e siècle, qui représente effectivement ces chevaliers parés de couleurs diverses et l'héraldique qui va en même temps, telle que celle que vous décriviez à l'instant même pour René d'Anjou. Je devrais être heureux comme un pape, j'ai un pape, je suis invité, moi qui aime traîner la savate, les belles cravates et l'oisiveté, et discuter du grand amour, cravate de velours pour toute la vie, même si la vie ça fait beaucoup, cravate au cou, à mon avis, je suis sapé comme un notaire, cravate blazer et nous dansons, et lorsqu'il commence à m'en cuire, cravate de cuir et je me morfonds. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. J'en ai ras ras-le-bol à la coupole, cravate au col, de boire du thé quand je préfère aller jouer, cravate dénouée, ma chance au dé. Le mariage n'est plus à la mode, cravate en sol dans cette saison, et jamais je ne moisirai, cravate arrêt dans une prison. Alors au lieu de me morfondre, cravate de Londres, je file à l'anglaise, avec ça j'emporte vos ronds, cravate marron pour être à l'aise. Cravate à pois, cravate de soie. Cravate à pois, cravate de soie. D'abord vous vous laisserez abattre, cravate verdâtre, vous me regretterez, et puis vous serez écarlate comme ma cravate quand vous pigerez. Et moi j'aurais pris les devants, cravate au vent ainsi que le soin, dans votre triomphe décapoté, cravate mouchetée de changer de coin, avant que la colère ne darde, cravate moutarde son aiguillon, et que l'on songe à m'arrêter de cravater au portillon. Cravate à poids, cravate de soie. Les cravates par Thomas Fersen dans cette émission qui s'intéresse, donc c'est la première de notre série, à la façon dont on porte ses vêtements. Avec vous, Odile Blanc, vous avez longtemps travaillé au Musée des Tissus de Lyon, vous êtes actuellement à l'Institut National du Patrimoine et vous avez publié des livres fort importants justement sur cette histoire du vêtement, comme Parades et Parures chez Gallimard ou encore Vivre habillé, c'était chez Klingsic il y a une dizaine d'années de cela. Lorsque on réfléchit à ce long temps de la mode, puisque vous êtes médiéviste de formation et vous êtes intéressé à la fin du Moyen-Âge jusqu'à la Révolution française, vous expliquez que il n'y a pas un profond bouleversement d'une certaine façon, que ce qui arrive véritablement, c'est au moment de la fin du XVIIIe siècle et du XIXe siècle avec l'invention de nouveaux vêtements, mais que pendant longtemps, juste au corps, veste et culotte ont été la norme, pourrait-on dire, en particulier pour le vêtement masculin, et qu'il y aura des vrais changements avec l'invention de nouveaux vêtements, la redingote, le frac, le veston, le smoking. Ça sera fin XVIIIe, début XIXe siècle. C'est un vrai bouleversement ce qui se passe là. Oui, et encore une fois, le bouleversement masculin, ça a vraiment été, j'y reviens, pour moi le pourpoint, ouais. Hein, toujours, parce que même l'habit, le frac, l'habit noir début du 19e, on a cette silhouette, donc qui est la même, qui est assez proche. Et pour l'Ancien Régime, en effet, le combo juste au corps, habit, etc., dure assez longtemps. Mais ce qui est extraordinaire et ce qui va changer beaucoup après, c'est les matériaux. Donc là, si vous pensez qu'un les hommes nobles, évidemment, de la fin du 18e, se trimballaient avec eux tout un parterre de fleurs, ou donc un décor. Le vêtement était vraiment une sorte de jardin, un jardin. Et ça va être cette richesse du décor textile. Effectivement, va être totalement, on peut dire annulé. Totalement abandonné, avec plutôt le triomphe de l'habit noir, ce qu'on avait mis un peu en rapport avec le triomphe de la bourgeoisie industrielle. Et c'est la détestation d'ailleurs de gens qui regrettent l'Ancien Régime, comme Chateaubriand par exemple, oui. Qui considèrent que c'est vraiment le mauvais goût bourgeois par excellence que de s'habiller de cette façon-là, avec le par-dessus qui va être inventé dans ces années-là, qui se boutonne sur le devant et qui peut s'ouvrir, qui n'est plus ajusté justement sur le corps de l'homme. Et c'est la grande différence. C'est ça, c'est la grande différence. En fait, finalement, il n'y avait que Balzac qui aimait ce paletot à l'anglaise, la redingote, qu'on a appelé après à l'anglaise, ce vêtement justement souple, sans bourrure, disait-il. Donc ça, par réaction à ces vêtements militaires encore du début du 19e siècle. Alors, ce qui est quand même très intéressant quand on vous lit, Odile Blanc, c'est que on a en tête, On a sûrement tort. On a en tête cette idée que cette mode née du côté féminin et du côté du genre féminin, vous nous montrez en particulier pour la fin du Moyen-Âge que c'est la question masculine qui l'emporte. Enfin, cette question de l'invention du pourpoint est très importante pour pouvoir comprendre ce qu'est cette naissance du système de la mode. Et que tout compte fait, le féminin l'accompagne, bien évidemment, mais que ça n'est pas la vision principale qu'on peut avoir d'une histoire longue de la mode. Oui, c'est ce qui m'a semblé, en effet. Voilà, à la fin du Moyen-Âge, bon, évidemment, il y a des changements, et les prédicateurs ne se font un grand plaisir de critiquer énormément le vêtement féminin, mais qui comporte moins de choses nouvelles que pour le vêtement masculin. Oui, c'est indéniable. Qu'est-ce qui d'une certaine... même si le corset est peut-être plus associé de manière un peu spontanée à la silhouette féminine de la fin du 18e ou encore jusqu'à la Belle Époque. Qu'est-ce qui d'une certaine façon est intéressant dans une formule comme tenue correcte exigée? Est-ce que, en quoi l'historienne que vous êtes est intéressée par justement ces normes qui font que l'on est dedans ou l'on est dehors selon qu'on porte tel ou tel habit? En fait, ça, je crois que ça rappelle surtout la fonction un peu civilisatrice du vêtement, hein, c'est-à-dire que c'est ce qui vous, quelles que soient les normes. Et, social, disons que la transformation, la régulation du corps par le vêtement ou d'autres ornements, finalement, c'est ce qui va vous insérer socialement. Donc, tenue correcte exigée, c'est d'une façon générale, ça m'évoque plutôt ça, quoi. Il faut être intégré au groupe social dans lequel on vit et puis avoir la bonne apparence au bon moment. Il y a aussi la notion de moment qui est liée au terme mode. Dans son très beau livre qui vient tout juste de sortir, La griffe du temps, Judith Lioncamp repart de Barbey d'Aurevilly à propos de son vêtement et elle explique que la nouvelle qu'il écrit dans les Diaboliques dans les années 1860 rappelle un Paris des années 1830 qui était le Paris du jeune dandy Barbey par exemple et que Barbey est moqué à la fin des années 1860, parce qu'il a tenu à porter le même vêtement ou le même style depuis les années 1830 de son romantisme de jeunesse jusque dans ces années 1870 et que la jeune garde littéraire le considère comme un dandy dépassé, comme quelque chose d'un peu désuet et insupportable à voir d'une certaine façon, alors qu'il était à la pointe de la mode, une sorte de Brummel des années 1830-1840. C'est intéressant que de noter cela, c'est-à-dire que si l'on est fixe dans son vêtement, on devient très rapidement un ringard. Oui, c'est ça. Ben, Barbey avait gardé les gilets rouges de sa jeunesse, hein, au fond. Alors, cette constante, et cette fidélité, finalement, effectivement, on a l'impression que c'est pas du tout apprécié dans le domaine de la mode, en effet. Plus collé à l'air du temps, c'est le sens même du mot mode, hein, c'est la façon du moment. Mais comment le savoir cela? Parce que quand Balzac, et vous le citez dans Vivre habillé, Odile Blanc, dit « La brute se couvre, le riche ou le sot se pare et l'homme élégant s'habille », comment savoir comment s'habiller? Habiller, c'est aussi, pour cette période-là, 1830, c'est aussi passer inaperçu. Alors, et paradoxalement, quand on parle de l'élégance, hein, depuis, alors il y a terme très difficile à définir, c'est le je ne sais quoi. C'est le Barbey d'ailleurs qui le dit. Le je ne sais quoi. Déjà Montesquieu, je pense. Et le je ne sais quoi fondé sur la surprise, dit Barbey d'Aurevy. Qui est fondé sur la surprise, l'effet de surprise. Et plus tard, on dira le rien. Alors, c'est quand même très paradoxal, parce que très élégant, ça veut dire qu'on remarque, on vous remarque, et pourtant, l'idée, c'est de ne pas se faire remarquer. Et comment ce système de la mode a-t-il fait pour passer à ces différents siècles et changer à ce point-là, tel qu'il a été décrit par Roland Barthes et que vous le décrivez d'une certaine façon plus récemment, Odile Blanc? il s'est industrialisé, il s'est mondialisé, il a gommé ses coutumes ou ses costumes volontairement tout au long du XXe siècle en particulier, et au bout du compte, il est devenu autre chose. En tout cas, c'est l'impression que ça nous donne. Le jean ou le t-shirt sont des vêtements, en tout cas pour le t-shirt que l'on mettait dessous, que l'on met dessus. Le jean, c'est un vêtement de travail que l'on porte en ville. Généralement, on n'appartient pas aux classes ouvrières, en l'occurrence. Tout cela, ce sont des changements de signes importants. Oui, des changements de port, enfin d'appropriation d'un groupe de vêtements à un autre. Effectivement, le jean, c'est peut-être l'avatar de l'overall, la salopette des ouvriers américains de la Première Guerre mondiale, qui est devenue ce qu'on sait. Mais la mondialisation a-t-elle fait disparaître les usages et le goût pour des costumes locaux? Peut-être pas, parce qu'on voit il y a des emprunts exotiques, pour le dire brièvement, depuis toujours, depuis le XVIIIe siècle. Si vous pensez aux chinoiseries, ces choses comme ça, le XIXe siècle, c'est même le siècle où on a le plus emprunté, oui, jusqu'au japonisme après 1870. Mais les intérieurs sont faits d'une sorte de mosaïque d'objets, de textiles, et dont, alors là, pour le coup, surtout la femme ornée de cette époque et de la belle époque va être un ornement supplémentaire. La dimension peut-être le vêtement comme décor, voilà. C'est un paysage. Mais néanmoins, ce paysage, il semble uniformisé. En l'occurrence, Odile Blanc, depuis maintenant la Seconde Guerre mondiale, en particulier, vous dites que le porter un jean, c'était par exemple à une époque dire non. C'est-à-dire qu'on était dans une société, les années 50 ou les années 60, où on était habillé costard-cravate quand on allait au bureau, quand on était un jeune homme, par exemple, et que celui qui ne portait pas ce costard-cravate était en rupture avec la tonalité de son époque. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui ? Je ne pense pas, non. Effectivement, c'est un vêtement plutôt qui est devenu une sorte de norme. Mais tout en maintenant des différences très grandes, parce que vous n'aurez pas un jean qui soit le même qu'un autre. Donc c'est vrai que la trajectoire de ce vêtement de travail à l'origine, qui était une appropriation, on peut dire collective, et dans plusieurs endroits en même temps, et qui garde des différences de couleurs, de coupes, de stylistiques, de détails, tout à fait importantes, comme une sorte de costume. Oui, mais ce que vous dites effectivement, c'est que le vêtement, et c'est ce que vous expliquez dans tous vos travaux, Odile Blanc, le vêtement parle. Le vêtement est bavard, il dit des choses parfois, et que ce caractère parlant du vêtement surprend selon l'endroit où on énonce cette parole. Ça n'est pas la même chose que de l'énoncer dans une soirée d'ambassadeur ou que de l'énoncer dans son milieu de travail ou de l'énoncer dans ses loisirs ou en week-end. Et tout ça, on va en parler pendant toute la semaine puisqu'on évoquera demain, par exemple, la naissance du vêtement de ski. Les transports d'un milieu de la mode à d'autres milieux sont des choses extrêmement intéressantes. Si on regarde dans un wagon de métro le nombre de gens qui portent des chaussures Stan Smith, pour ne pas les citer par exemple, eh bien on sait qu'ils ne font pas tous du sport. Ah ben non, même le vêtement sport est peut-être extrêmement porté en dehors justement du strict milieu sportif, qui aurait sans doute des choses beaucoup plus techniques, j'imagine. Dimension de là on est dans l'aspect du vêtement comme signe, quoi, qui c'est en cela qui parle. Mais ça me fait penser aussi à toutes ces expressions qui désapprouvent une telle tenue en disant, par exemple, si elle est trop colorée, qu'elle est criarde, enfin, ou que cette tenue est à hurler, voilà. Alors qu'on penserait que l'élégance, c'est quelque chose qui est silencieux. Toujours, qui ne se fait pas remarquer. Ça, c'est Yves Saint-Laurent, en l'occurrence. Oui, c'est vrai, mais ça a pu être aussi employé par d'autres, voilà. Il y a une phrase qui m'a particulièrement frappé dans la trilogie documentaire des frères Naudet, qui a été tournée, ils ont tourné les témoins du 13 novembre 2015. Ils les ont enregistrés, et une des témoins, prise au Bataclan, dit... Cette phrase incroyable, que je trouve incroyable, elle dit « J'ai toujours détesté les gens qui s'habillaient en jogging. Et celui qui allait m'abattre devant moi était en jogging. Et je me suis dit, je ne vais pas mourir à cause d'un gars qui est en jogging. » C'est assez fort, oui, cette oui. idée, parce qu'on a là toute la classification sociale. Le gars qui est en jogging est un vient sûrement d'une banlieue. En tout cas, il porte cela, c'est son habit habituel. Elle, c'est une jeune femme plutôt bien mise et bourgeoise qui vient voir un concert au Bataclan. Et c'est la confrontation entre les deux qui donne cette phrase incroyable. Mmh. Je ne vais quand même pas mourir, être assassiné par quelqu'un qui porte un jogging. Et en noir, je suppose. Je pense que le noir va peut-être avoir mauvaise presse, sans maintenant, parce que associé à des événements quand même effrayants depuis. Et depuis votre livre en 2009, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Odile Blanc. Vous pourriez rajouter, c'était 50 entrées en l'occurrence, vous pourriez rajouter une entrée sur, par exemple, la question des vêtements liés au salafisme ou liés à des musulmans ou musulmanes pratiquantes. Je vais pas être bâché comme cette fille. Des expressions qui sont oui. des expressions nouvelles liées à l'arrivée dans nos sociétés de vêtements qui n'avaient pas l'habitude d'y être, comme la burqa qui est interdite, mais aussi d'autres types de voiles plus prononcés oui. Et qui donc marquent aussi dans l'espace public quelque chose qui est lié aux vêtements. Est-ce que c'est de la mode? Est-ce que ça n'en est pas? Sûrement qu'il y a une dimension de mode là-dedans, mais néanmoins ça marque quelque chose dans les silhouettes que l'on croise dans nos rues. Oui, effectivement, disons que bon, il y a 10 ans, il n'était pas non plus totalement inconnu, mais c'était exotique et lointain. Oui, on les voyait quand même peu. Alors, c'est vrai que ça a pris une dimension. Voilà, ces vêtements longs, amples, enveloppants et noirs et sans forme. Fois. Enfin, du moins, oui. qui apparaissent comme tels. Mais bon, après, il y a différentes formes de voiles, et excusez-moi, mais qu'on voyait aussi dans les années 60, bien 70, qui étaient plutôt colorées, pas du tout, enfin, c'était aussi des voiles, et on a oublié quand même aussi la présence des religieuses dans nos sociétés, voilà, bien. Qui et des curés, enfin, qui portaient ces vêtements amples et aussi. Hein. Effectivement, les voiles des bonnes sœurs ne sont plus très nombreuses dans nos rues, mais elles l'étaient dans les années 1950 mmh. ou 1960. Qu'est-ce que le vêtement nous dit aussi de ce voyage dans le temps qui nous fait faire? Vous expliquez bien, Odile Blanc, et beaucoup de sociologues de la mode nous le disent, effectivement, qu'il n'y a pas de mode et de création sans une attention très soutenue au passé. Avec ce lien que l'on veut faire, d'aller chercher des éléments que l'on désource et que l'on réadapte à notre époque. Mmh. Oui, c'est une façon d'établir une continuité. Je pense que tout ça est lié aussi à une recherche autour des coupes, mais des matériaux. Et puis, quand on voit, par exemple... je pense à toutes ces utopies vestimentaires, par exemple Taillat en 1919, le vêtement des futuristes en 19, voilà, qui sont liés autour de la Première Guerre mondiale, et puis après on a le Bauhaus, enfin toutes ces choses là au fond, c'était des utopies qui voulaient que maintenant qu'on est dans une société plutôt citadine, dynamique, moderne, il fallait aussi avoir un vêtement qui colle avec tout ça. Mais finalement, ça n'a pas vraiment pris. Ce qui prend, au contraire, c'est le remploi. C'est l'emprunt, c'est comme les hommes du Moyen-Âge qui créaient des églises ou des cathédrales avec des colonnes, des fûts de colonnes romaines qu'ils avaient insérées dans leur propre bâtiment. Ça fait partie de cette vision de la mode extrêmement intéressante, cet aller-retour tout constant entre le passé et le présent, la redécouverte. On parle souvent de redécouverte en mode. Oui, c'est ça, oui. redécouverte et qui mais c'est pas de l'emprunt littéral jamais hein, comme c'est vraiment un réservoir qui est propice à l'imagination, enfin c'est certain. Le 18e siècle a été extrêmement sollicité dans le textile, dans le vêtement, mais pas que, dans les couleurs, dès le 19e, au fond, a toujours été le 18e à la mode pour son côté extrêmement flamboyant. Chatoyant. Oui, contrairement à d'autres populations, par exemple les Amish, qui semblent figés dans un état qui n'aurait pas bougé, avec cette idée qu'on ne innove pas, mais est-ce que c'est si vrai? Il faudrait peut-être s'y c'est pencher ce qu'on nous dit, mais de plus en plus près. Merci beaucoup, Odile Blanc, d'être venue ouvrir notre série d'émissions donc consacrée à la mode, au système de la mode, à la façon de vivre nu ou de vivre habillé. Demain, nous intéresserons à l'innovation et aux vêtements de ski. Et je rappelle que vous êtes auteur, entre autres, donc de Vivre habillé, c'est chez Klingsic, mais également de Parades et parures, c'est chez Gallimard, et que vous participez au dernier numéro de la revue Mode Pratique, dont on parlera pas mal cette semaine, un gros numéro qui s'intéresse justement à cette question des saisons de la mode. Merci encore, Odile Blanc. Merci à vous. Comme d'habitude, cette émission a été préparée par Céline Leclerc et Marion Dupont. Emmanuel Morsnacant est aujourd'hui à la technique en studio et Marie-Laure Ciboulet à la réalisation. Si vous voulez écouter ou réécouter cette émission, n'hésitez pas à aller sur le site internet de France Culture, franceculture.fr. Vous pouvez également dialoguer avec nous sur le groupe Facebook des Amis de la Fabrique de l'Histoire ou encore nous suivre sur le réseau Twitter à l'adresse Fabrique FC. Fabrique FC.